C'était un empire immense, celui d'une dynastie turque venue des confins de l'Asie mineure, combattant de l'islam, les Ottomans. De l'Empire ottoman à la République de Turquie. Constantinople se débat dans les contradictions de la longue agonie de l'Empire ottoman, sur laquelle se penche un bien étrange médecin, le sultan Abdülhamid. C'est un homme de très bon ton, de mœurs réglées, qui n'abuse pas des belles sultanes et nourrit des ambitions de modernisme et de progrès pour son empire. Les cours royales le traitent d'ailleurs comme une sorte de cousin à héritage dont il faut se méfier, mais à qui il est agréable de rendre visite pour le frisson délicieux des sombres légendes et l'inventaire discret de l'argenterie. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Et comme hier, Odile Moreau, bonjour. Bonjour. Je rappelle que chez Colin, vous venez de publier un livre sur l'Empire ottoman au XIXe siècle. Si vous le voulez bien, on va le prendre au point de départ officiel du XXe en 1900. Autant la population, de manière variable, des grandes puissances du reste de l'Europe croît, 56 millions d'habitants en Allemagne, 45 en Autriche-Hongrie, 42 en Grande-Bretagne, 38 en France, autant celle de l'Empire ottoman décroît. 26 millions seulement sur une très vaste surface pourtant, donc avec une densité de population souvent très faible. Et alors ce sultan que nous a décrit avec son lyrisme habituel Frédéric Mitterrand, il va compenser peut-être sa perte de prestige par une recharge religieuse. Le sultan est de plus en plus calife. Effectivement, donc après le traité de Berlin de 1878 et la perte extrêmement importante de territoire ottoman, donc le sultan Abdülhamid va se repositionner donc par rapport à ce qu'on évoquait hier, là, ces réformes des tanzimats, et lui donc il va récupérer en fait le pouvoir au sein du palais, promouvoir une politique autoritariste et également réactiver donc sa fonction califale pour se donner donc un nouveau prestige et trouver donc un lien à ces populations aussi qui ont immigré au sein de l'Empire ottoman, donc des populations réfugiées musulmanes qui ne parlent pas le turc, et donc pour essayer d'arrimer aussi la périphérie, donc les provinces arabes, etc. Il va donner donc beaucoup plus d'importance à l'Anatolie, aux provinces arabes qu'auparavant, et notamment donc grâce à cette dimension religieuse. Oui, mais alors c'est à la fois un retardateur et un modernisateur, Abdülhamid II, son règne dure 33 ans, et puis en vient la fin, 1908-1909, il va être relégué à Salonique, remplacé par un vieil homme qui ne va plus exercer que des fonctions religieuses, et le pouvoir de fait, il appartient, à partir de ses premières années du XXe siècle, aux jeunes Turcs, aux unionistes, les Français mêlent les uns et les autres. Donc l'opposition jeune turque sous le règne hamidien était composée d'organisations musulmanes qu'on appelait donc les jeunes turcs, parce qu'ils étaient d'ailleurs en exil en Europe et en France, donc ce nom a été donné en Europe. Et donc après la révolution de 1908, c'est le comité Union et Progrès, donc son aile civile et militaire, qui est au pouvoir, et donc l'un de ses héros est Enver, donc le fameux futur ministre de la guerre ottoman, donc qui Enver Pacha. Voilà, Enver Pacha. On rigole pas avec les unionistes d'Union et Progrès, hein, c'est discipline à tous les étages, non? Progressivement, l'aile militaire va marginaliser l'aile civile, et 1908, c'est en fait le premier coup de force qui va être suivi par quatre autres jusqu'au début 1914, où là, vraiment, de toute façon, à partir de la contre-révolution de 1909, le sultan ne gouverne plus. Alors, les jeunes turcs ou les unionistes d'Union et Progrès, ils ont en fait donné un peu quand même un exemple d'instabilité et attisé les appétits qui sont toujours prêts à s'exercer contre le malheureux empire ottoman, les appétits qui viennent de toutes les extrémités de celui-ci. Vous reprendrez bien une rasade de Frédéric Mitterrand. La mèche lente d'une déflagration générale continue à se consumer sournoisement. En En apparence, tout redevenu normal. Le vieux sultan Mehmet, calife de l'islam, accomplit pieusement les rites de l'Aïd el-Kébir et regagne ses gracieux palais avec tout l'apparat que lui a gardé le triomphe de la révolution des jeunes Turcs. Mais au fait, une étincelle un peu plus vive a jailli très loin de là, allumée par l'Italie sur le rivage de Libye. Un défi pour l'armée ottomane que le trépidant général Enver considère comme son bien personnel. Il en possède d'ailleurs d'autres, conformes à sa stratégie d'ambition, titre, palais, sultane et la dictature, en abattant de ses mains, à coups de revolver, un ministre en plein conseil. Or, l'armée de parade est battue par les Italiens qui gardent la Libye et les îles du Dodécanèse. Et Enver lave son humiliation dans le sang des sinistres expédients de toujours, en se retournant contre les chrétiens, arméniens et orthodoxes roumels qui avaient cru en lui, raflés au petit malheur pour les potences de son échec. Bon, à force d'entendre le Frédéric Mitterrand, je vous aurais volontiers appelé, dit le Moreau, notre sultane, mais enfin, je m'en garderai. Alors, il y a des étincelles à une extrémité, la Libye, allumée par l'Italie qui s'intéresse constamment à la Libye, puis des étincelles qui deviennent des flammes à l'autre extrémité, avec les royaumes balkaniques, la Grèce, la Bulgarie, le Monténégro, la Serbie, qui vont s'attaquer à l'Empire ottoman. Deux guerres dites balkaniques, 1912-1913, on va pas en faire le bilan, sinon pour dire que, quand même, les populations civiles, pour la première fois, peut-être à ce point, c'est un caractère inédit du XXe siècle qui commence, ont extrêmement souffert. Pendant les guerres balkaniques, oui, tout à fait. Les guerres balkaniques préfigurent en quelque sorte la Première Guerre mondiale avec la brutalisation des populations civiles qui sont prises au milieu des combats. Et ça va être aussi le début d'un reflux des populations musulmanes des territoires donc conquis par les balkaniques vers Istanbul et l'Anatolie. Donc on voit une succession d'afflux d'immigrés c'est pas facile musulmans à gérer. Dans le réduit de la Turquie. Vous avez publié, Odile Moreau, un livre chez Soteka sur la Turquie dans la Grande Guerre. Alors une question toute simple. L'année d'après les guerres balkaniques, 1914, la Turquie pouvait-elle faire un... Pardon, l'Empire ottoman, c'est encore l'Empire ottoman, pouvait-il faire encore un autre choix que Berlin, que l'alliance avec l'Allemagne? Après les guerres balkaniques, donc en 1913, c'est une situation extrêmement difficile pour l'Empire ottoman qui est complètement démonétisé sur la scène internationale. Il a été vaincu par quatre toutes petites puissances régionales et donc son souhait est de ne pas rester isolé sur la scène internationale, car là c'est vraiment le risque de la disparition de l'Empire. Cependant, il va quand même mener une politique active, donc de recherche d'alliance. Alors certes, il y a donc une continuité de missions militaires qui vont être en place dans l'Empire ottoman à partir des années 1880, mais les jeux n'étaient pas faits. Donc c'est surtout l'empereur Guillaume II qui va justement donner son assentiment pour qu'un accord secret soit acté entre et les deux pays. Aussi pour un djihad public made in Germany. Parce que le vieux sultan qui accomplit les rites, selon Frédéric Mitterrand, Mehmet V, le successeur d'Abdul Hamid, il a encore le pouvoir en tant que calife de lancer un djihad. Mais les Autrichiens et les Allemands alliés de l'empereur, c'est des chrétiens. Oui, alors tout à fait, c'est une contradiction et de toute façon, les Allemands ne pouvaient pas lancer un djihad, ils n'ont pas cette légitimité-là. Bah et donc également, en 1914, ça va être assez compliqué, donc d'un point de vue pédagogique, d'expliquer qu'en fait, donc l'Empire ottoman va appeler au djihad et que certains États chrétiens, parce qu'ils sont les alliés de l'Empire ottoman, ne sont pas concernés par donc ce djihad. Et donc bon, ça a été. Mais l'intérêt, c'était de semer le désordre dans les colonies de l'Empire anglais et de l'Empire français. Oui, tout à fait. Ces opérations de propagande et de subversion sont extrêmement donc importante. Il y aura des missions donc communes menées par des Allemands et des Ottomans donc à destination donc bon d'abord là de l'Inde mais donc des missions en Afghanistan, en Iran, des missions aussi moins connues au Maghreb notamment au Maroc, pour faire tomber le Maroc, qui est vu comme le talon d'Achille de l'Empire colonial français. L'Empire ottoman est sur beaucoup de fronts, on ne va pas tous les détailler, mais pensez à la mémoire de l'un d'entre eux, finalement assez glorieux pour l'armée ottomane. Je parlais des détroits des Dardanelles, où les Anglais, appuyés par les Français, se sont lancés dans une opération en 1915, que les Ottomans, appuyés par les Allemands, très appuyés par les Allemands, vont arrêter. On est donc dans le musée de Kaba Tepe, sur la péninsule de Gallipoli, où la bataille des Dardanelles, la guerre de Çanakkale, comme on dit en Turquie, est représentée dans des films en trois dimensions, des films à effets spéciaux, dans des salles où parfois le sol bouge, ou parfois les murs bougent. On vient d'entrer dans une salle. On est plongé dans le noir et là, il y a un film qui commence. Allez, aide-moi à monter l'obus sur mon dos. Tu ne pourras pas le transporter, Saïd. Et là, dans cette scène, on voit le héros de la séquence, Saïd Çabuk. Donc c'est l'homme à l'obus, hein, Çanakkale, il est représenté partout en statue. Et là, ce Turc colossal, moustachu, torse nu, est en train de hisser sur son dos l'obus de 275 kilos et il va le glisser tout seul dans le canon. Ulgur Gökhan, maire de Çanakkale. La bataille de Gallipoli, qu'on appelle la guerre de Çanakkale, ce sont les dernières batailles menées par l'Empire ottoman. Ce sont les guerres d'où a émergé le fondateur de la Turquie moderne, Atatürk. La République turque a été établie après ces guerres. Ben, je me rappelle, à l'école, on ne parlait pas du tout, par exemple, de la composition de l'armée ottomane. Raghib Duran, journaliste. Quand moi j'ai appris que le commandant sur place, le numéro 1 sur place, était allemand, alors là on se pose des questions. Comment, avec les Allemands, on peut remporter une victoire nationale ? La fabrique de l'histoire sur France Culture. Si la question est, Odile Moreau, que reste-t-il dans la République de Turquie de la mémoire de l'Empire ottoman ? On peut dire qu'il en reste ceci. Le souvenir de Gallipoli, des Dardanelles, en 1915. Cette armée de l'Empire ottoman, elle est essentiellement, totalement turque ? Pendant la Grande Guerre ? Pendant la Grande Guerre, donc l'armée ottomane donc recrute pas uniquement des Turcs, c'est-à-dire elle comporte des musulmans, mais aussi des non-musulmans, qui en fait vont être placés dans des bataillons ouvriers, ils vont être désarmés dès le début de la guerre, mais aussi bien sûr des soldats arabes. Donc il y a toute une kyrielle de soldats et de populations qui aussi se mélangent, et plus des irréguliers, quoi, des forces spéciales. Qui se mélangent. Cependant, il y a la crainte de la trahison de la part de ceux qui ne partagent pas la turcité de plus en plus mise en avant. Et il faut rappeler sans cesse la responsabilité des gens d'Union et Progrès. On avait prononcé le nom d'Enver Pacha il y a un instant. Des Allemands aussi, peut-être, qui les conseillaient et les assistait dans le génocide des Arméniens. Qu'on évoque ici de biais par cette vieille chanson traditionnelle, Comitas, Gru, d'où viens-tu ? Tu viens de mon petit pays, l'Arménie, tu m'en donneras des nouvelles ? Get on! La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. En compagnie d'Odile Moreau, qui a publié nombre de livres sur l'Empire ottoman, le dernier aux éditions Armand Collin. 1918, la défaite conjointe des Allemands, des Austro-Hongrois, des Turcs, des Ottomans, ne signifie pas la disparition de l'Empire. Il y a toujours le vieux sultan qui vaque à ses affaires religieuses, mais son occupation. On sait peu que, à partir d'octobre-novembre 1918, l'Empire ottoman a été occupé, mais aussi dans sa partie centrale, jusqu'à Istanbul. Oui, tout à fait. Donc, contrairement à un lieu commun, l'Empire ottoman ne disparaît pas à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918. L'Empire est occupé par les puissances alliées. C'est-à-dire ? Donc par la France, la Grande-Bretagne, ensuite par l'Italie, et Istanbul va être occupée également à partir du mois de novembre 1918. C'est la seule capitale donc d'un pays défait à être occupée. Donc l'Empire ottoman, de ce point de vue-là, subit un sort particulier après la fin de la guerre. Et en fait, les combats ne sont pas terminés, puisque en 1919 va commencer un mouvement de guerre d'indépendance pour chasser justement ces puissances. C'est là qu'on va voir revenir au premier rang Kemal Atatürk. Enfin, il s'appelle à l'époque seulement Kemal, dont le nom a été cité tout à l'heure. Vous n'avez pas parlé des Grecs. Ils sont où, les Grecs? Alors, il va y avoir des départs de population. Oui, mais ils ne participent pas à l'occupation de l'Empire ottoman. Ah oui, donc ça va être, c'est-à-dire les Grecs, oui, je pensais... Les Grecs, oui, les Grecs de Grèce, oui. Eh bien, écoutez, oui, eux vont arriver donc en 1919 dans la partie égéenne. Ah, dans l'ouest, dans l'ouest de l'actuelle Turquie. C'est important pour la suite. Parce que, guerre d'indépendance, Kemal, et puis alors reprise, peu à peu, des positions. Notamment celle des Grecs, prise de la ville de Smyrne. Nous sommes en 1922, et un adjoint de Kemal, qui a la responsabilité des opérations, là-bas, en septembre 1922, doit organiser le lynchage de l'archevêque orthodoxe de l'endroit, l'incendie de la ville qui va obliger à la fuite plusieurs dizaines de milliers de Grecs, dont voici un témoin. Cette dame a parlé, toujours à la Fabrique de l'Histoire, sur France Culture, des dizaines d'années après. Vous vous souvenez du départ? Est-ce que c'était un moment tragique pour vous, ce départ de Smyrne? Tres meses que ça avait mis sur le front d'Amérique, le dicen, proxénio americanico. Le consulat. Δεν είχε τίποτα, δεν μας δίνανε που και που να κάνουν ψωμί στις δύο μέρες ένα. Ils ont resté là, dans le consulat américain, trois jours, avec seulement un pain, tout ce temps. Et puis le troisième jour, on leur a dit, et maintenant vous pouvez partir, il y a des bateaux. Mais pour aller du consulat au bateau, il y avait les Turcs tout autour et il y avait aussi le nombre de gens qui pouvaient entrer dans les bateaux. Et si le nombre était surpassé, alors les gens des bateaux étaient obligés, c'était cruel, mais ils battaient les mains des gens qui essayaient de grimper dans le bateau pour sauver les autres. Donc ils ont tué ou fait noyer des gens qui essayaient encore de monter. Il faut considérer, vous insistez beaucoup là-dessus dans vos livres, Odile Moreau, qu'il y a eu une période de 10 ans dans la mémoire des gens de la région, qui commence avec la première guerre balkanique, qui se termine avec le traité de Lausanne, qui va entériner des échanges, entre guillemets, de populations massifs, les premiers qu'on connaisse dans ce XXe siècle, qui va donner l'occasion de beaucoup d'autres au fur et à mesure que les années passent. C'est d'un côté 1,5 million Grecs qui doivent quitter l'Asie mineure, et de l'autre côté 500 000 musulmans qui doivent quitter l'Europe. Oui, à peu près. Donc c'est absolument extrêmement important, donc en nombre de population, mais aussi, vous voyez, en termes d'héritage culturel, de mémoire extrêmement douloureuse que vont aussi emporter donc ces gens avec eux qui doivent se réimplanter dans des pays qui ne connaissent pas, quoi. Et pour certains d'entre eux, avec aussi des gros problèmes de langue. Si la question est que reste-t-il de l'Empire ottoman dans la République de Turquie telle qu'elle commence à se constituer, que reste-t-il de l'héritage multiethnique et de l'héritage multiconfessionnel? Donc la République de Turquie est fondée en 1923. Elle va justement se créer et se positionner en fait en opposition, en tournant le dos à son passé ottoman. Donc là, il y a vraiment une rupture extrêmement importante qui est faite. Elle veut se constituer comme un État-nation. Donc il s'agit de créer un État-nation qui est centré donc sur l'Anatolie, avec un peuplement donc qui est donc qui va s'homogénéiser après ces échanges de populations, et qui s'inscrit en fait dans le droit fil de ce qu'ils appellent la Grande Révolution française, la Révolution de 1789. Donc en pratique, les nouveaux cadres sont des gens qui étaient déjà présents à la période précédente, donc en gros des unionistes. Mustafa Kemal faisait partie du comité Union et Progrès, même s'il n'était pas donc au milieu des cercles dominants et dirigeants. Mais ça, cet héritage-là, il est absolument honni. Donc les unionistes sont vus comme ceux qui ont précipité l'Empire ottoman dans la guerre et ont concouru à sa défaite. Alors vous êtes en train de décrire une rupture avec l'histoire, et l'histoire récente et l'histoire plus ancienne. L'histoire de l'Empire ottoman d'autrefois étant vécue comme une gangue qui a caché l'essence, l'origine, le noyau pur turc. Oui, et donc cette ancienne élite, et y compris justement toutes ces réformes dont on a parlé hier au 19e siècle, les Tanzimat, sont vues en fait comme un échec. Et la République de Turquie tire une partie de sa légitimité en critiquant justement ces expériences qui sont vues comme des formes en gros de trahison. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de ce qu'on appellerait aujourd'hui de mobilité sociale. Il y a une reproduction des élites. Et donc de ce point de vue là, l'Anatolie et la République de Turquie, elle va se recentrer sur l'Anatolie, sur le peuple anatolien, donc sur la paysannerie. Et donc d'ailleurs, elle va établir une nouvelle capitale à Ankara, qui naît en fait une grosse bourgade au début des années 1920, car il y a cette peur aussi d'une réaction, donc d'un retour de la dynastie ottomane, ou de, donc vous voyez, on a parlé de tous ces coups d'État qui ont eu lieu dans la première décennie du XXe siècle, de nouveaux coups de dés. Et donc il va y avoir un certain nombre de personnes qui vont être interdites. Il y a une liste de 150 personnes qui est annexée au traité de Lausanne, qui sont interdites du territoire turc. Alors le socle anatolien, ça fournit des hommes de la terre qui vont devenir des hommes de fer. Il y a une statue bien connue où on voit Mustafa Kemal, le grand chef, avec deux enfants, pas les enfants adoptifs qu'il a eus, mais un homme nouveau et une femme nouvelle. Alors, il faut en venir quand même un instant à la personnalité de Mustafa Kemal, telle qu'elle est décrite ici par Pierre Lyautey, le neveu du maréchal. Il y a eu une très longue fascination française pour Mustafa Kemal, dont témoigne ce reportage. Je l'ai connu. C'était un homme très vigoureux, de regard, d'expression. On sentait vraiment, surtout, un caractère extraordinaire. Pierre Lyautey, Atatürk, fut le premier président de la République du XXe siècle de Turquie. Mais est-ce que vous avez connu le dernier calife, enfin le dernier sultan, je ne sais pas comment on les appelait? Quand nous sommes venus à Istanbul en 1921, régnait le dernier des califes. Quelques mois après les victoires de libération par Mustafa Kemal, le califat a été supprimé et ont commencé aussitôt les grandes réformes sociales. Kemal. On a supprimé l'écriture arabe, on a pris l'écriture latine, les noms, chacun a pris un nom, au lieu de s'appeler Mohamed et Ali, chacun a pris un nom, c'est ainsi que lui est devenu Atatürk. Du jour au lendemain, personne n'a plus porté le fez, il a fallu que tout le monde s'habille en veston. Et le fez était surtout remplacé par le chapeau. Mais la rupture avec le passé, il faudrait peut-être la voir à travers les nouveaux programmes de l'enseignement de l'histoire. On sait aussi qu'à la radio, la musique classique ottomane était absolument interdite. Oui, à partir de 1925, la musique ottomane est interdite, donc ça va être la musique classique européenne qui va être promue, et donc il y a tout ce regard qui est tourné vers l'Occident, donc ce terme d'occidentalisation n'est peut-être pas dit explicitement, mais il s'agit du terme de civilisation, c'est accéder à la civilisation, sous-entendu la civilisation européenne. L'abolition du califat en 1924 vient d'être évoquée, c'est aussi extrêmement important. Il faut s'imaginer pour les contemporains de l'époque qu'il s'agissait d'un cataclysme. Donc le califat est resté donc en déshérence et progressivement c'est la laïcité qui va être promue, qui va être inscrite dans la constitution dès 1928. Mais Mustafa Kemal Atatürk s'intéresse beaucoup à l'Occident, mais enfin ce que les Français imaginent mal, parce qu'il croit qu'il était tout le temps tourné vers Paris, c'est qu'il s'intéressait beaucoup aussi à ce qui se passait à Rome chez Mussolini et peut-être à ce qui se passait à Berlin chez Hitler. Les révolutions justement là justement il y a un regard non seulement un regard mais on suit très près en Turquie ces nouveaux hommes qui sont forgés aussi donc en Europe il y a une forme de fascination certainement. Dites-moi pour finir Odile Moreau, alors peut-être Erdogan se prend-il pour Atatürk dans la mesure où il garde un certain nombre de traits symboliques de l'autorité du premier président de la République. Mais lui, il se prend, est-ce que je me trompe, pour le nouveau sultan aussi ? Je ne sais pas s'il se prend pour le nouveau sultan. On parle beaucoup de néo-ottomanisme pour justement néo-ottomanisme pour caractériser cette politique étrangère turque qui est donc très audacieuse et qui notamment concerne les anciens territoires de l'Empire ottoman, donc particulièrement dans les Balkans et au Moyen-Orient. Donc il est vrai que donc la jeune Turquie, comme tous les nouveaux États indépendants, donc a pratiquer une écriture de l'histoire, donc a justement complètement ostracisé l'histoire ottomane. Donc pendant longtemps, c'est un sujet qui était tabou. Ce retour vers le passé, donc date en gros de la fin des années 1990. Bon, c'est sûr que on ne peut pas, donc après trois générations, donc il n'y a plus de danger d'un retour de la dynastie ottomane. Donc maintenant, nous sommes dans une nouvelle situation. Mais par contre, on reconstruit un palais à Ankara, sur l'emplacement d'une ancienne ferme d'Atatürk, qui est un peu kitsch, peut-être, mais veut ressembler, faire furieusement à une sédimentation des décors ottomans. Oui, il y a toute une, justement, ces références très explicite et revendiquée donc au passé ottoman, y compris par exemple dans l'habillement là des gardes avec des habits les gardes qui entourent Erdogan. Oui, donc des habits qui reprennent donc les habillements des janissaires et de différents corps de l'armée ottomane, ce qui est absolument impensable il y a 20 ans où c'était complètement donc honni quoi. Donc il y a une espèce de entre guillemets de réconciliation et de retour avec donc un passé ottoman vu donc dans sa dimension impériale et dans sa grandeur. Et avec une conjonction pas facile à faire au mois de mai, de l'anniversaire du 19 mai, alors l'arrivée de Mustafa Kemal, et l'anniversaire du 29 mai, la chute de Constantinople en 1453. C'était la fin de notre série sur l'Empire ottoman. Vos livres chez Armand Collin et chez Toseca. Et nos remerciements à Ilinka Negulesco, Audrey Ripouille pour la réalisation, Pauline Laverdure pour la technique. Alors, chez les Ottomans, Fabrice Drouel, bonjour.